Chapitre 15. Ce fut Rosemonde qui la première aperçut Évrard, et elle jeta un cri de surprise en le voyant. « Ah, mon frère Évrard !» Aussitôt, elle sauta à bas de son cheval et courut au-devant du jeune homme en lui tendant la main. Justement, elle était d'une humeur charmante. Son père venait de lui raconter comment, un jour, Évrard s'était jeté tout habillé dans le Maine pour sauver l'enfant d'une pauvre femme qui y était tombée en jouant. « Ah, vous voilà donc, Évrard, que vous avez été longtemps. Nous commencions à être inquiets, vraiment. C'est mal de ne pas nous avoir donné de vos nouvelles. Mais vous voilà, tout est oublié. » Pendant ce temps, Jonathas s'était rapproché des enfants. « Enfin, voilà notre cher absent de retour, » dit le brave garde-chasse. « Vous ne savez pas, Évrard, que votre père est venu à Epstein en votre absence et vous a, ma foi, demandé avec beaucoup d'instance pendant plusieurs jours, ce qui ne l'a pas empêché de partir sans vous avoir vu. « Il est parti !» s'écria Évrard. « Eh, mon Dieu, oui. Et ce matin, en partant, il n'a pas beaucoup parlé de vous, il faut en convenir. » Après cela, il paraissait fort agité et très pressé de s'en aller. « C'est égal, il est bien singulier qu'il n'ait pas seulement prononcé votre nom. J'étais là car il m'avait envoyé chercher pour me demander un renseignement bien étrange. Et je lui ai dit, en voyant qu'il se disposait à partir, « Monseigneur n'attend donc pas le retour de Monsieur Évrard ?» Il m'a imposé silence avec un accent terrible. « Parti !» répétait Évrard. « Parti !»« Oui, mais en revanche, vous voilà revenu, » dit de sa douce voix Rosemonde. Évrard la regardait avec un singulier mélange de tendresse et d'embarras. Elle baissait les yeux et souriait. « Et puisque le voilà revenu, » reprit le père, « ma foi, je vais vous laisser, s'il vous plaît, continuer la promenade ensemble. Depuis 8 jours, Rosemonde, pendant que je tiens mon cheval par la bride et que je conte des histoires, mon fusil reste oisif, bien entendu, et les loups et les braconniers ont beau jeu. Ça, Évrard, prenez ma place, mon beau chevalier, et menez cet enfant par les sentiers les plus fleuris. Vous les connaissez mieux que moi encore. Vous n'avez pas déjeuné, peut-être. Vous déjeunerez ensemble. Elle a emporté dans le bissac tout ce qu'il fallait. Pour dessert, vous cueillerez des mûres et des fraises sauvages, et pour boisson, vous puiserez à quelque source. Sur ce, je vous laisse, enfant, à ce soir au dîner. Je n'ai pas besoin de vous recommander votre sœur. Bonne promenade, mes amis. » Le garde-chasse jeta son fusil sur son épaule, dit de la main adieu aux enfants et s'enfonça dans le taillis en sifflant. Rosemonde et Évrard restèrent seuls, aussi embarrassés l'un que l'autre. Ce fut Rosemonde qui rompit la première ce silence gênant. « Puisqu'il faut déjeuner, Évrard, nous allons, si vous le voulez bien, prendre pour table ce gazon, pour toi l'ombre de ce grand chêne, et faire là, sur l'herbe, un repas royal pendant que les oiseaux nous donneront le concert. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Évrard attacha le cheval à un arbre, tandis que Rosemonde étalait ses provisions sur l'herbe. Et voilà nos deux amis mangeant du meilleur appétit du monde. Toutefois, Évrard ne disait mot encore. À peine échangèrent-ils pendant un quart d'heure que dura leur déjeuner quelques paroles insignifiantes. Mais Rosemonde, qui le regardait, trouvait ses yeux plus éloquents que lui. Elle voyait sa pensée dans son regard et l'entendait aussi bien que s'il eût parlé. Sous son simple et grossier costume de montagnard et de paysan, nous l'avons dit, Évrard était beau, beau surtout de cette beauté du dedans qui se traduit par le mot physionomie. À travers ses manières empruntées, perçait la fierté et la dignité de l'âme. Son regard ferme et doux charmait et persuadait tout de suite. Malgré sa gaucherie et son silence, il fallait être un niais pour le croire un sot. Or, Rosemonde était aussi fine, aussi pénétrante qu'une jeune fille bonne et sincère peut l'être. Puis il y a entre les cœurs honnêtes et purs une secrète sympathie qui ne les trompe jamais. Quand nous aurons achevé de déjeuner, dit Rosemonde, vous me montrerez les parties du bois que vous aimez. Dites, Évrard, y consentez-vous? Est-ce que cela vous fâcherait de me servir de guide et de compagnon? Me fâcher? S'écria Évrard. Ou peut-être, reprit Rosemonde, ai-je dérangé votre promenade et votre solitude? Car je vois maintenant que vous aimez à être seul, moi qui vous plaignais. Vous m'avez plaint, vous, Rosemonde? Oui, et je me disais, dorénavant au moins, il aura une sœur, une amie. Je croyais que nous allions bien nous entendre. Je me rappelais les jours d'autrefois, et il me semblait que nous pourrions reprendre et continuer, dans ces solitudes qui paraissent calmes et belles comme le paradis, la douce fraternité de notre enfance. La vie doit y être aisément heureuse et pure. Enfin, je rêvais un roman comme celui de Paul et Virginie, ajouta-t-elle en riant d'abord de son idée, puis en rougissant ensuite. Qu'est-ce que Paul et Virginie ? Demanda Évrard. Un beau livre français de Bernardin de Saint-Pierre. Ne le connaissez-vous pas ? Je vous le prêterai. J'avais fait un songe de bonheur. Nous aurions vécu ignorés, mais si contents, dans les montagnes, dans les forêts, mon bon père Jonathas entre nous deux. J'y ai pensé tout le long de la route. Demandez à mon père, que j'accablais de questions sur votre compte et qui me répondait de manière à encourager mes chimères et mes espérances. Cependant, je suis arrivée et, dès le premier coup d'œil, j'ai vu que tous mes projets n'étaient que des illusions. Je vous ai tendu la main comme à un frère et vous m'avez accueillie comme une étrangère. Ce n'est pas fierté, je le sais. Mon père m'a assuré que vous étiez aussi noble de cœur que de naissance. D'où viennent donc votre froideur et votre indifférence ? Oh, ce n'est pas de la froideur, dit vivement Évrard, ce n'est pas de l'indifférence. Mais que voulez-vous ? Je suis un enfant farouche, un fils sauvage de ces forêts, et votre présence m'a intimidé comme l'apparition d'un ange ou d'une fée. Quoi ? Vraiment ? Suis-je majestueuse et terrible à ce point ? Dit en riant la jeune fille. Évrard, reprit-elle sérieusement, faisons en sorte qu'il n'y ait pas entre nous de méprise. Je vous dis franchement et dans la simplicité de mon cœur que je me sens attiré vers vous, et c'est parce que je vous crois loyal et bon que je vous offre d'être mon ami et mon compagnon. Puisque nous pouvons être deux, à quoi bon rester seuls l'un et l'autre ? La nature de Dieu au milieu de laquelle nous vivons et le souvenir sacré des morts sanctifient en quelque sorte notre affection. Pas de fausse honte et de malentendus. En présence de nos deux mères et de ces vieux chênes, je vous demande d'être mon frère. Le voulez-vous ? Si je le veux. Ah ! Vous êtes une âme grande et généreuse, Rosemonde, et je tâcherai de n'être pas indigne de votre amitié. Je rougis maintenant de m'être montré si craintif et si timide. Mais le faon effarouché est apprivoisé maintenant, ma belle sainte, et le daim, au lieu de s'enfuir, viendra vous lécher les pieds. Tout comme si j'étais Geneviève de Brabant, dit en riant Rosemonde. Qu'est-ce que Geneviève de Brabant ? Demanda Évrard. Ah, vous m'ôtez du cœur un grand poids. Continua la jeune fille sans avoir entendu la malencontreuse question. Donc, c'est par timidité que vous ne m'avez pas adressé la parole le premier jour. C'est par timidité que vous avez évité ma rencontre, que vous êtes parti avec votre oncle Conrad sans presque me dire adieu. Et que j'allais quitter Epstein et l'Allemagne pour toujours et sans vous revoir, reprit Évrard, quand la Providence et ma mère vous ont envoyé sur ma route. « Mais à présent, vous restez ?» dit vivement Rosemonde. À présent, nous allons nous comprendre et nous aimer. Eh bien, qu'avez-vous? À quoi pensez-vous? Je pense, continua Évrard songeur, que ce n'est peut-être pas par sauvagerie uniquement que je voulais m'éloigner, rejoindre l'armée de l'empereur. Il y avait mon père qui... Mais il est reparti pour Vienne. Il y avait quelque chose encore. « Quoi donc ?» demanda Rosemonde avec inquiétude. Il y eut un silence. Évrard, les yeux fixes, semblait regarder dans la nuit de sa pensée et secouait la tête d'un air méditatif. « Rosemonde, Rosemonde, reprit-il d'une voix lente, un charme m'attire vers vous. Cependant, une voix me crie, « Fuis, fuis !» Vous ne me comprenez pas? C'est qu'il ne faut pas me juger comme les autres. Je suis un être à part, une nature étrange. Je ne vis pas de la vie de tous. Vous voyez que je commence à vous parler avec confiance. Oui, j'ai confiance et j'ai peur. Un pressentiment me dit que notre amitié sera funeste et qu'il y a entre nous un malheur. Un instinct m'avertit que je ferais mieux de partir. Et pourtant, je ne partirai pas. Il y a des prédestinations, Rosemonde. Il y a Dieu, dit la pieuse jeune fille. Oui, Dieu, continua Évrard en s'enfonçant dans sa rêverie. Eh bien, mon Dieu, reprit-il en joignant les mains comme s'il était seul, mon Dieu, vous qui m'éclairez de ces lueurs imparfaites, vous qui me donnez ce vague désir de m'éloigner sans m'en laisser le courage et la force, je vous obéis, Seigneur. Faites de moi ce que vous voudrez. Que sert à mon esprit de s'agiter, puisque votre main me mène? C'est ma mère, peut-être, qui me conseille de partir. Mais si votre destin m'ordonne de rester, qui puis-je? Oh oui, restez donc, restez donc! Dit Rosemonde avec une gracieuse insistance. « Nous pouvons être si heureux ensemble. »« Vous avez dans le bois, m'a dit mon père, vos retraites inconnues. Vous m'y mènerez et vous verrez, mon ami, qu'il vaut mieux, mais beaucoup mieux être deux que rester seul. »« Oh, moi d'abord, sans vous, loin de mon père qui passe la journée dans la forêt, je vous avoue que je périrai d'ennui, tandis que tous deux, nous pourrions causer, nous communiquer nos idées, nos sensations, lire ensemble, étudier ensemble. Vous paraissez surpris. Vous me croyez une petite fille ignorante, sans doute. Eh bien, vous vous trompez. J'ai appris beaucoup et je pourrais vous comprendre, vous répondre à peu de choses près, surtout. J'avoue que je n'ai pas dû approfondir comme vous qui êtes homme, le français, le grec, le latin, l'histoire, les mathématiques surtout, que je n'aime guère. Rosemonde, Rosemonde, mais j'ignore jusqu'au nom de tout cela. Comment? Que me dites-vous? La vérité. Votre mère m'a appris à lire et le chapelain à écrire, mais ils sont morts, et je suis restée seule ici, abandonnée, vous le savez bien, n'ayant d'autre maître que la forêt, d'autre éducation que celle de la nature. Qui m'aurait instruit? Personne. Je n'ai encore ouvert que la Bible, et cela ne m'est pas même arrivé souvent. Les arbres et les oiseaux ne me reprochaient pas mon ignorance. Je la connus pour la première fois il y a un mois, à l'arrivée de mon oncle. J'en rougis pour la première fois aujourd'hui. « Est-il possible ? » s'écria Rosemonde. « Oui, sans doute. » J'aurais dû réfléchir, j'aurais dû penser. Pauvre ami, je vous demande pardon de vous avoir involontairement blessé, peut-être. Vous ne m'avez pas blessé, Rosemonde, mais vous voyez bien que ma compagnie ne peut ni vous plaire ni vous servir, que je ne suis pas à la hauteur de votre esprit et que mon entretien vous fatiguerait, loin de vous distraire. Vous voyez bien qu'il faut me laisser seule dans mon ignorance et dans mon ennui. Vous voyez bien que j'avais raison et que le mieux que j'ai à faire est de partir, d'aller me battre. « Ami, dit gravement Rosemonde, vous avez l'âme trop élevée pour écouter un faux orgueil et obéir à une susceptibilité mesquine. Demeurez et nous pourrons nous être utiles l'un à l'autre. Vous avez le cœur savant, Évrard, et les champs, les bois, le ciel ont dû vous donner des enseignements bons et salutaires. Vous m'en ferez part, et cela me profitera. Moi, de mon côté, puisque je dois quelque éducation au hasard, ou plutôt à la protection de la comtesse Albine, ne me refusez pas la joie de rendre un peu au fils ce que je tiens de la mère. Acceptez-moi pour maître, voulez-vous? Ce serait charmant, en vérité. Non, il est trop tard, Rosemonde, trop tard. Mon Dieu, vous croyez donc la science chose bien rude et bien difficile? C'est très simple, très intéressant, Évrard. Vous n'y trouverez rien de nouveau. Vous verrez naître les nations comme des sources, croître les génies comme les chaînes, éclater les révolutions comme les tempêtes. Il y a des livres qui vous réjouiront comme une belle soirée de mai. Il y a des époques qui vous désoleront comme une pluvieuse journée de décembre. Les langues ne sont pas plus difficiles à déchiffrer que les signes du ciel et du vent, et vous reconnaîtrez Dieu dans l'histoire comme dans la nature. Et puis, ne serez-vous pas fier et heureux de rencontrer dans les annales de l'Allemagne les annales de votre glorieuse famille, de retrouver à chaque pas dans nos chroniques le nom de vos ancêtres, le vôtre, le nom d'Epstein? Est-ce que je suis un d'Epstein, moi? Interrompit Évrard avec une mélancolie amère. Vous vous trompez, Rosemonde. Je suis un enfant abandonné, renié par mon père, voilà tout. À quoi bon apprendre? À quoi bon m'élever pour mieux comprendre mon abaissement? Rosemonde, pour ce que j'ai à faire ici-bas, ce que je sais suffit. Ma mère me guide, c'est assez. Vous ne me comprenez pas. Si vous entriez plus avant dans ma confidence et dans ma vie, je vous révélerais des choses qui vous frapperaient d'étonnement et même d'effroi. Je vous le répète, mon âme et ma destinée sont étranges. Dieu m'a marqué d'avance pour un avenir qu'il connaît seul et que je ne puis éviter. Je sens que son souffle me pousse, et puisqu'il voit pour moi, à quoi me servirait la science humaine? Mon instinct me suffit pour obéir à sa volonté, mais j'aurais peur de ma raison. Le mieux pour moi serait de partir, ou d'ignorer, puisque je ne pars pas. Nous ne répéterons pas toutes les supplications de Rosemonde, toutes les réponses d'Évrard, toute cette lutte de l'instinct éclairé et de la prudence aveugle. Le rôle de petite mère allait à merveille avec la figure sereine et le caractère sérieux de la pensionnaire du tilleul sacré. Elle disait à Évrard combien leurs études seraient aimables et ravissantes à l'ombre des arbres séculaires et dans la solitude des clairières parfumées. Évrard hésitait, cédait presque, puis reculait. La journée entière se passa à discuter tout en se promenant, tout en admirant les grands aspects et les beaux points de vue du paysage. Les conseils furent aussi, il faut le dire, entremêlés de jeux et de défis, et il arriva souvent qu'on interrompit une dissertation sur les avantages de la science pour courir après quelques papillons diapré. Qu'on veuille bien ne pas oublier que le plus âgé de nos héros n'a pas encore 15 ans. Bref, au milieu des enfantillages et des sermons, le soir vint, et il fallut bien qu'Évrard reconduisît sa sœur à la maison du garde-chasse. Pourtant, ses indécisions n'étaient pas encore fixées, et il jurait bien qu'il partirait le lendemain. Il ne disait pas tout à Rosemonde, il ne lui disait pas que ce qui le chassait ainsi, c'était un affront sanglant reçu de son père, et qu'il ne pouvait plus rentrer au château d'où cet affront le bannissait. Mais, bien qu'il se tût sur ce sujet, il y pensait certainement, et chaque fois qu'il y pensait, il sentait de subites rougeurs lui monter au visage. Ce fut au milieu de ces irrésolutions qu'il rentra dans la maison de Jonathas, qu'il s'était promis le matin même de ne plus revoir. Le garde-chasse les attendait. Que vous avez été longtemps dehors, dit-il. J'étais inquiet. Évrard, voici une lettre que monsieur le comte m'adresse de Francfort et qu'un piqueur vient d'apporter à toute bride. Lisez-la, elle vous concerne. Évrard prit le papier d'une main tremblante et lut. Maximilien avertissait Jonathas qu'il allait définitivement se fixer à Vienne et que dorénavant on ne le verrait plus à Epstein. Dites-le à mon fils Évrard, ajoutait-il, et prévenez-le qu'il peut disposer du château et du quart des revenus. Mon intendant ira chaque année toucher le surplus, mais qu'Évrard sache qu'il ne doit pas quitter Epstein, ni tenter de me rejoindre. Nos deux destinées doivent être séparées, et je lui défends de chercher à les réunir. C'est à cette condition que je le laisse libre et maître dans sa vie et dans ma maison. Il fera tout ce qu'il voudra, tout, pourvu qu'il ne vienne pas où je serai. Je ne l'inquiéterai plus, mais qu'il ne m'inquiète pas davantage. Je ne lui demanderai aucun compte de ses actions, mais qu'il ne me demande jamais raison des miennes. Restons étrangers l'un à l'autre pour rester heureux. Telle est ma résolution, expresse et formelle, et malheur à lui s'il y résiste. Évrard, cette lettre achevée, laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Triste et joyeuse à la fois, il parut se recueillir un moment. « Eh bien ?» lui demanda Rosemonde avec anxiété. « Eh bien, Rosemonde, » dit-il l'œil brillant, mais le sein gonflé d'un soupir, « eh bien, Dieu le veut, je resterai. »